Bismillah ar-Rahman ar-Rahim. Les éditions Damaj ont le plaisir de vous présenter. Je n'ai pas laissé à ma communauté une fitna plus dévastatrice et destructrice pour eux que ne le sont les femmes à l'encontre des hommes. Islah al-Umma, réformation de la communauté. La femme est une aura. Lorsqu'elle sort, Shaitan, le diable, incite les gens à la regarder. Une série de sermons d'Al-Jumu'ah portant sur différents thèmes tirés du Coran et de la Sunna. Que dire donc d'une femme qui tente les hommes avec sa voix, sa parole et ses gestes tout en étant dévêtue et à moitié nue? Prêché par l'éminent savant Abu Abdirrahman Yahya ibn Ali al-Hajuri, hafidhahullah ta'ala. Donc quelle bonne aubaine pour ces pervers aujourd'hui. Ils peuvent regarder les femmes dans la rue sans avoir risqué de se faire pocher les yeux, ni même rencontrer la moindre opposition. Dirigeant du centre d'études islamiques Darul Hadith al-Salafiyyah bi-Dammaj au Yémen. Les compagnons du messager d'Allah, sallallahu alayhi wa sallam, ne portaient pas leur regard sur les femmes. Traduit et prêché en langue française par le frère Wahbi al-Tunisi. Est-ce donc là la voie et la méthodologie des compagnons du messager d'Allah, sallallahu alayhi wa sallam, qu'Allah les agrée? Les femmes de leur époque ne se mélangeaient absolument pas avec les hommes. Sermon numéro 32, Fitnatun Nisa, la tentation des femmes et le désordre dont elles sont la cause. Le livre d'Allah et la Sunna regorgent de preuves authentiquement établies concernant l'interdiction formelle de la mixité entre les hommes et les femmes. Nous demandons à Allah Azza wa Jalla que ce travail soit profitable à l'islam ainsi qu'aux musulmans. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Ashhadu an la أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن محمد رسول الله أشهد أن نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. Toutes les louanges sont à Allah. Nous le louons, implorons son secours et nous nous repentons à lui. Et nous nous réfugions auprès de lui contre les maux de nos âmes, ainsi que contre nos mauvaises actions. Celui qu'Allah guide, nul ne peut l'égarer. Et celui qui l'égare, nul ne peut le guider. Et je témoigne qu'il n'existe de divinité digne d'être adorée qu'Allah seul, rien ne lui est égal. Et je témoigne que Muhammad est son serviteur et messager. Ya ayyuhalladhina amanu taqullaha haqqa tuqatihi wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ô vous qui croyez, craignez Allah tel qu'il doit être craint et ne mourrez qu'en étant soumis. Ya ayyuhan nas ittaqu rabbakum alladhi khalaqakum min nafsin wahidatin wa khalaqa minha zawjaha wa batha minhumā rijālan kathīran wa nisā'a wattaqullaha alladhi tasā'alūna bihi wal arham innallaha kana 'alaykum raqība. Ô vous les gens, craignez votre Seigneur qui vous a créé d'un seul être, Adam, Adam, et qui à partir de celui-ci a créé son épouse, Hawa, Ève, puis qui de ces deux-là a fait répandre sur la terre de nombreux hommes et femmes. Et craignez Allah, au nom duquel vous vous implorez les uns les autres. Et craignez de rompre le lien de parenté, certes Allah vous observe parfaitement. Ya ayyuhalladhina amanu ittaqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum wa man yuti'i Allah wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Ô vous qui croyez, craignez Allah et ne parlez qu'avec droiture et justesse, afin qu'il corrige et améliore vos actions et qu'il vous pardonne vos péchés. Et celui qui obéit à Allah et à son messager a certes gagné une énorme récompense. Amma ba'd. Ceci étant dit. Certes, Allah subhanahu wa ta'ala a dit dans son noble livre, le Coran, « Wattaqu fitnatan la tusibanna alladhina zalamu minkum khas, wa'alamu anna Allah shadidul iqab. » Et craignez une fitna, une épreuve, qui ne touchera pas que les injustes d'entre vous. Et sachez qu'Allah est dur en punition. Ce verset nous informe donc qu'à chaque fois qu'une quelconque fitna, une calamité et un mal apparaît sur terre, et auquel personne parmi les gens ne donne de l'importance, alors quiconque n'y aura pas prêté attention ou qui n'aura pas blâmé ce mal qui sera apparu sera susceptible de se faire châtier. Et nul doute que la fitna apparaîtra, comme Allah subhanahu wa ta'ala l'a évoqué dans son livre. Donc personne ne sera épargné d'être tenté, ni ne pourra échapper à la mise à l'épreuve. وَاتَّبَعُوا مَا تَتْلُوا الشَّيَاطِينُ عَلَى مُلْكِ سُلَيْمَانَ وَمَا كَفَرَ سُلَيْمَانَ وَلَكِنَّ الشَّيَاطِينَ كَفَرُوا يُعَلِّمُونَ النَّاسَ السِّحْرَ وَمَا أُنْزِلَ عَلَى الْمَلَكَيْنِ بِبَابِلَ هَارُوتَ وَمَارُوتَ وَمَا يُعَلِّمَانِ مِنْ أَحَدٍ حَتَّى يَقُولَا إِنَّمَا نَحْنُ فِتْنَةٌ فَلَا تَكْفُرْ فيتعلمون منهما ما يفرقون به بين المرء وزوجه وما هم بضارين به من أحد إلا بإذن الله ويتعلمون ما يضرهم ولا ينفعهم ولقد علموا لمن اشتراه ما له في الآخرة من خلاق ولبئس ما شروا به أنفسهم لو كانوا يعلمون. Et ils, les Juifs et les Chrétiens, suivirent ce que les diables racontèrent au sujet du règne de Suleyman, le prophète Salomon. Alors que Sulayman n'avait certainement pas mécru, mais c'était plutôt les diables parmi les djinns, des créatures invisibles, qui mécrurent. Car ces derniers enseignaient aux gens la sorcellerie, ainsi que ce qui avait été descendu sur les deux anges Harout et Marout à Babylone. Mais ces deux anges n'enseignaient rien à personne, sans lui dire au préalable, « Nous ne sommes qu'une tentation, ne m'écrois donc pas ». Ils, les diables parmi les djinns, apprenaient ainsi auprès d'eux ce qui sème la désunion entre l'homme et son épouse. Or ces derniers ne sont capables de nuire à personne qu'avec la permission d'Allah, mais ils n'apprennent en réalité que ce qui leur nuit et ne leur est point profitable. Et ils ont parfaitement su que celui qui acquiert cette science n'aura aucune part dans l'au-delà, et quelle détestable marchandise pour laquelle ils ont vendu leur âme, si seulement ils savaient. Et Allah subhanahu wa ta'ala a dit: أحسب الناس أن يتركوا أن يقولوا آمنا وهم لا يفتنون ولقد فتنا الذين من قبلهم فليعلمن الله الذين صدقوا وليعلمن الكاذبين. Est-ce que les gens pensent qu'on les laissera dire « nous croyons » sans les éprouver ? Nous avons certes éprouvé ceux qui ont vécu avant eux, cela afin qu'Allah distingue les véridiques des menteurs. وجعلنا بعضكم لبعض فتنة أتصبرون. Et nous avons fait de certains d'entre vous une épreuve pour d'autres, afin de voir si vous endurerez avec patience, et ton Seigneur demeure clairvoyant. Et la fitna concerne le shirk, le polythéisme, de même que tous les autres interdits de moindre gravité. Et combattez-les, les polythéistes, jusqu'à ce qu'il ne subsiste plus aucune fitna, c'est-à-dire le shirk, et que le culte soit entièrement voué à Allah. Et dans la sourate al-Baqara, « وَيَكُونَ الدِّينُ لِلَّهِ » et que le culte soit voué à Allah seul. Donc qu'il s'agisse du bien ou du mal, tout est source d'épreuves et de tentations. « وَنَبْلُوكُمْ بِالشَّرِّ وَالْخَيْرِ فِتْنَ وَإِلَيْنَا تُرْجَعُونَ » et nous vous éprouvons par le mal et par le bien à titre de tentation, et c'est vers nous que vous serez ramenés. Ton enfant, il se peut qu'Allah t'éprouve par son biais. De même que ton épouse, il se peut qu'Allah t'éprouve aussi par son biais. et aussi ta propre personne, ton cœur, ta beauté, ton rang social et de noblesse, et également à travers tes biens. Allah subhanahu wa ta'ala a dit « Ya ayyuhalladhina amanu, inna min azwajikum wa awladikum aduwan lakum fahdaruhum, wa in ta'fu wa tasfahu wa taghfiru, fa inna allaha ghafurun rahim, innama amwalukum wa awladukum fitna, wallahu indahu ajrun azim. » Ô vous qui croyez, vous avez assurément en vos épouses et vos enfants un ennemi. Prenez-y donc garde, mais si vous les excusez et passez sur leurs fautes et leur pardonnez, sachez alors qu'Allah est pardonneur, très miséricordieux. Certes, vos biens et vos enfants ne sont qu'objet de tentation et d'épreuves pour vous, alors qu'il y a auprès d'Allah une énorme récompense. Et c'est ainsi qu'Allah subhanahu wa ta'ala a dit dans la sourate Al-Anfal, « Annama amwalukum wa awladukum fitna wa anna Allah indahu ajrun azim. » En vérité, vos biens et vos enfants ne sont qu'objets de tentation pour vous, alors qu'il y a auprès d'Allah une énorme récompense. Il n'y a donc aucun doute sur le fait que la fitna est bien d'actualité aujourd'hui. Et il ne vient pas une époque sans que celle qui la suit ne soit pire qu'elle. Comme cela a été rapporté dans le recueil de récits authentiques d'Al-Bukhari, dans le hadith d'Anas, radiallahu anhu, que des gens sont venus se plaindre auprès de lui de la tyrannie d'Al-Hajjaj. Il leur dit alors, j'ai entendu le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam dire, et il ne se passera pas une époque sans que celle qui la suit ne soit pire qu'elle, jusqu'à ce que vous rencontrerez votre Seigneur. C'est ainsi que je l'ai entendu de votre prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam a aussi dit, il se peut qu'il ne vienne un temps où le meilleur des gains du musulman ne soit celui d'un berger qui ira faire paître son troupeau au sommet des montagnes et les contrées éloignées, s'enfuyant ainsi des fitaines, du désordre et des troubles pour préserver sa religion. Et cela a été rapporté par les mêmes musulmans, d'après le récit d'Abu Saïd al-Khudri, radiallahu anhu. Et dans les deux recueils du récit authentique, d'après le prophète sallallahu alayhi wa sallam qui a dit, viendra un temps où il apparaîtra beaucoup de fitaines. Celui qui ne se précipitera pas et restera assis à sa place sera dans un meilleur état que celui qui se sera levé. Et celui qui se sera levé sera dans un meilleur état que celui qui sera parti en marchant. Et celui qui sera parti en marchant sera dans un meilleur état que celui qui sera parti en courant. Et celui qui s'y sera exposé tombera dedans et courra à sa perte. Mais quant à celui qui aura trouvé refuge, qu'il y reste donc. Et dans le Sahih de l'imam Muslim, dans le récit d'Abu Huraira, d'après le prophète sallallahu alayhi wa sallam qui a dit « Empressez-vous d'accomplir de bonnes œuvres avant que n'apparaissent des troubles tels des lambeaux de nuit ténébreuses, au point que l'homme commencera sa journée en étant croyant et la finira en étant mécréant, ou qu'il finira sa journée en étant croyant et commencera celle du lendemain en étant mécréant. Il vendra sa religion pour une partie de cette dunya, cette vie présente éphémère. » Donc de toute évidence, le désordre et les troubles sont bien présents dans cette dunya. Qu'il s'agisse de la fitna liée à l'argent, à chaque communauté sa fitna, sa source de désordre, et celle de ma communauté est l'argent, comme l'a dit le prophète sallallahu alayhi wa sallam. Ou qu'il s'agisse de la fitna liée aux femmes, comme on a aussi informé le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam. Je n'ai pas laissé à ma communauté une fitna plus dévastatrice et destructrice pour eux que ne le sont les femmes à l'encontre des hommes. Comme cela a été rapporté dans les deux recueils du récit authentique d'Al-Bukhari et de Muslim, d'après Usam et Ibn Zayd. Et il a également dit, sallallahu alayhi wa sallam, certes cette dunya, cette vie mondaine, est une gourmandise de couleur verte, dans laquelle Allah vous y fait succéder, génération après génération, afin de voir comment vous agissez. Craignez donc cette dunya, et redoutez les femmes, car certes la première tentation est source de désordre, dont étaient victimes les Banu Israël, les descendants du prophète Yaqub, Jacob, étaient les femmes. Et effectivement, parmi les plus grands désordres et troubles, et aussi les plus néfastes pour les gens, quel que soit l'endroit ou le pays, il y a la fitna des femmes pour les hommes. Et ce fait est encore plus vrai et plus grave à notre époque, y compris dans les pays de musulmans, excepté ce qu'Allah aura préservé par miséricorde de sa part. Qu'il s'agisse de la pratique de la mixité entre les hommes et les femmes, ou de la propagation de propos vulgaires, ainsi que d'appels téléphoniques malsains, ou le fait de regarder les turpitudes à la télévision ou par le satellite, et bien d'autres mauvaises choses dont seul Allah en a connaissance. Tout ceci constitue un grand danger pour la communauté. Comme c'est le cas pour la mixité homme-femme dans les universités et les établissements scolaires. Et les muslimounes sous-estiment et négligent cela. Ils laissent leurs filles aller se mélanger avec les garçons et les hommes juste pour cette chose mondaine, dans le soi-disant but qu'elles deviennent professeurs ou médecins, comme ils le prétendent. Mais en réalité, ils poussent et incitent sa fille à devenir une fornicatrice finie, soit avec le regard, soit avec la langue, soit avec son sexe. Et cela s'est malheureusement avéré de très nombreuses fois. Et dans les deux recueils de récits authentiques, dans le récit d'Ibn Mas'ud, radiallahu anhu, d'après le prophète, sallallahu alayhi wa sallam, qui a dit « Les yeux forniquent et les mains forniquent ». Et le récit a aussi été rapporté d'après Abu Huraira, radiallahu anhu, qui explique le précédent récit « Les yeux forniquent et leur fornication est le regard, et les mains forniquent et leur fornication est le toucher, et les oreilles forniquent et leur fornication est l'écoute, et le sexe confirme ce penchant ou le dément ». Il en est ainsi. Beaucoup d'hommes, parmi les gens, sont devenus des dayathoun, des hommes avides de toute jalousie pour leur épouse et leur fille, qui incitent ces dernières, ou les femmes de leur entourage, à pratiquer la fornication avec toutes les parties de leur corps, et ils les éloignent de ce fait, de ce qu'Allah tabaraka wa ta'ala leur a ordonné et commandé. وَقَرْنَا فِي بُيُوتِكُنَّ وَلَا تَبَرَّجْنَا تَبَرُّجَ الْجَاهِلِيَّةِ الْأُولَى. Et restez dans vos foyers, c'est-à-dire les femmes. Et lorsque vous êtes dans le besoin de sortir, ne vous exhibez pas à la manière des femmes de la Jahiliya, l'époque anté-islamique. Voilà ce qu'Allah lui a commandé. Car elle est une awra, une pudeur en elle-même, qui doit être cachée. Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit, comme cela a été authentiquement établi de sa part, d'après le récit de Bahz ibn Hakim, d'après son grand-père paternel, garde-toi de découvrir ta aura aux gens, les parties cachées et pudiques du corps, et excepté en présence de ton épouse ou des esclaves que tu possèdes. On en déduit donc, d'après ce hadith, et tout en sachant que la femme est une aura, et que les ordres concernent à la base les hommes tout comme les femmes, sauf si un autre argument venait à spécifier que l'ordre n'était propre qu'aux hommes, qu'il est obligatoire pour la femme de se préserver, de découvrir une quelconque partie de son corps aux yeux des hommes. Car elle est une aura à part entière, comme l'a dit le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam dans le récit d'Ibn Mas'ud radiallahu anhu. La femme est une aura. Lorsqu'elle sort, Shaitan, le diable, incite les gens à la regarder. Il est donc obligatoire pour elle qu'elle se préserve en restant chez elle, dans sa maison, un lieu tranquille et paisible, comme lui a commandé son Seigneur. Puis si l'on venait à lui demander quelque chose, qu'elle réponde selon ce qu'Allah lui a prescrit. فَلَا تَخْضَعْنَ بِالْقَوْلِ فَيَطْمَعَ الَّذِي فِي قَلْبِهِ مَرَضٌ وَقُلْنَا قَوْلًا مَعْرُوفًا. Et ne soyez pas complaisantes dans vos paroles, de sorte que cela fasse naître la tentation chez celui dont le cœur est malade. Maintenez plutôt un langage décent. Et si elle devait sortir pour aller faire la salah, la prière, ou pour tout autre besoin, elle sort telle qu'Allah lui a commandé. يا أيها النبي قل لأزواجك وبناتك ونساء المؤمنين يدنين عليهن من جلابيبهن ذلك أدنى أن يعرفن فلا يؤذين وكان الله غفورا رحيما. Ô toi le prophète, dis à tes épouses et tes filles, ainsi qu'aux femmes des croyants, d'abaisser sur elles leur grand voile, car cela leur permettra de ne pas être reconnues et d'éviter ainsi d'être offensées. Et Allah demeure pardonneur et miséricordieux. Cela leur permettra donc, comme Allah les en a commandés, au minimum de ne pas être offensés. Elle sort de la façon qu'Allah leur a commandé. Allah l'exhorta ainsi de rabaisser sur son visage le hijab, le grand voile, et de recouvrir son corps amplement jusqu'à ne rien laisser apparaître et distinguer de sa aura et l'ensemble de son corps. Car la femme est, dans son intégralité, une pudeur qui doit être cachée. Elle doit également baisser le regard, comme Allah lui a commandé. Il a dit, tabaraka wa ta'ala, قل للمؤمنين يغضوا من أبصارهم ويحفظوا فروجهم ذلك أزكى لهم إن الله خبير بما تصنعون وقل للمؤمنات يغضضن من أبصارهن ويحفظن فروجهن ولا يبدين زينتهن إلا ما ظهر منها. Dis aux croyants, ô toi Muhammad, de baisser leurs regards et de préserver leur chasteté, car cela est plus sain pour eux. Certes, Allah est parfaitement connaisseur de ce qu'ils font. Et dis aux croyantes de baisser leurs regards et de préserver leur chasteté, et que celles-ci ne dévoilent de leur parure que ce qu'il n'en paraît. Et ce qu'il paraît de la parure de la femme sont ses vêtements, ou ce qu'il pourrait apparaître de ce qu'il se cache dessous, c'est-à-dire ses vêtements, si ces derniers venaient à être soulevés par le vent, ou pour une autre raison. Il serait ainsi possible qu'une partie de son corps ne soit dévoilée, et c'est de ceci qu'il est question dans le précédent verset, quant à ce qui lui serait excusé de découvrir de son corps. Que la femme craigne donc Allah selon sa capacité. وليضربن بخمورهن على جيوبهن ولا يبدين زينتهن إلا لبعولتهن أو آبائهن أو آباء بعولتهن أو أبنائهن أو أبناء بعولتهن أو إخوانهن أو بني إخوانهن أو بني أخواتهن أو نسائهن et qu'elles rabattent leur voile sur leur poitrine et qu'elles ne laissent apparaître leur beauté qu'en présence de leur époux ou de leur père ou du père de leur époux ou de leur fils ou des fils de leur époux, ou de leurs frères, ou des fils de leurs frères, ou des fils de leurs sœurs, ou des femmes, c'est-à-dire des femmes muslimates. أو ما ملكت أيمانهن أو التابعين غير أولي الإربة من الرجال, ou des esclaves qu'elles possèdent, ou des domestiques impuissants parmi les hommes. Et il est question ici des domestiques mâles, impuissants, qui n'éprouvent aucune attirance pour les femmes. أو الطفل الذين لم يظهروا على عورات النساء ولا يضربن بأرجلهن ليعلم ما يخفين من زينتهن. Ou deux garçons impubères qui ignorent tout des parties cachées des femmes et qu'elles ne claquent pas le sol avec leurs pieds de sorte à ce que l'on sache ce qu'elles cachent de leur parure. Et cela se produit beaucoup dans ce genre d'endroits mixtes, tels que les universités et les écoles, de même que les marchés et les centres commerciaux, de la part des femmes ignorantes, perverses et vulgaires. Allah subhanahu a ainsi interdit aux femmes muslimas qu'elles ne frappent le sol avec leurs pieds, de peur que celui qui aurait un cœur malade n'entende le bruit de ses chaussures taper le sol, à la suite de quoi il serait pris par la tentation. Que dire donc d'une femme qui tente les hommes avec sa voix, sa parole et ses gestes tout en étant dévêtue et à moitié nue, parfaitement au serviteur d'Allah. Et Allah a certes autorisé que l'on crève l'œil de celui qui aura violé l'intimité d'une femme avec son regard. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam a en effet dit, celui à propos duquel Allah subhanahu wa ta'ala a dit « وَمَا يَنْطِقُ عَنِ الْهَوَىٰ إِنْ هُوَ إِلَّا وَحْيٌ يُوحَىٰ » Et il, Muhammad, ne prononce rien sous l'effet de la passion. Il ne s'agit en réalité que d'une révélation qui lui a été faite émanant de son Seigneur. Quiconque aura regardé dans une maison sans l'autorisation de ses habitants, il sera du droit de ces derniers de lui crever son œil. Donc quelle bonne aubaine pour ces pervers aujourd'hui. Ils peuvent regarder les femmes dans la rue sans avoir risqué de se faire pocher les yeux, ni même rencontrer la moindre opposition. Quiconque aura ainsi désiré regarder des jeunes femmes n'aura qu'à rentrer dans les universités, et cela lui suffira. Il pourra se rincer les yeux à sa guise et faire tout ce que bon lui semble. Alors que le prophète sallallahu alayhi wa sallam avait dit un jour, ô vous qui prenez place au bord des rues, ils dirent, ô messager d'Allah, nous ne faisons que bavarder, et nous n'avons pas d'autre endroit où prendre place. Il leur dit alors, si vous n'avez vraiment trouvé nulle part où vous asseoir autre que là, alors donnez aux rues leurs droits. Ils dirent, et quels sont les droits des rues? Il répondit, baissez le regard, et ne nuire à personne, et rendre le salam, la salutation, et ordonner le convenable, et condamner le blâmable. Mais quant au pervers, il n'a nullement besoin de faire tout ceci aujourd'hui. Il n'est plus dans le besoin de s'asseoir sur le bord des rues, ni même au milieu, pour regarder les femmes, aucunement. Désormais, il n'a juste qu'à entrer dans ces vilaines et hideuses universités et autres établissements du même genre, que l'on trouve aussi dans les pays de Muslimoun. Il pourra ainsi là-bas prendre plaisir à regarder ce qu'il voudra des femmes qui sont sous l'autorité de ces dayathoun, ces hommes qui n'ont aucune jalousie pour leur épouse et leur fille. Le Dayyuth n'entrera pas au paradis. C'est ainsi qu'a dit le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam. Parfaitement, ô toi le rapace, ô toi l'abject, tu laisses ta femme ou ta fille aller dans ce genre d'établissement ou d'université, se mélanger et fréquenter ces loups parmi les hommes, celui-ci qui lui lance des mots doux, et celui-là qui lui fait quelques effleurements et câlineries, et certains qui pratiquent la zina, la fornication, et d'autres qui rendent les cœurs malades. Tout ça, soi-disant, pour qu'elle accède à un tel haut poste ou une telle haute fonction. قُلْ مَتَاعُ الدُّنْيَا قَلِيلٌ وَالْآخِرَةُ خَيْرٌ لِمَنِ اتَّقَى وَلَا تُظْلَمُونَ فَتِيلًا. Dis, les jouissances de ce bas monde sont assurément éphémères, tandis que la vie de l'au-delà est bien meilleure pour quiconque aura été pieux, et vous ne serez point lésés, fût-ce d'un brin de noyau de date. Vous êtes tous des bergers, ô vous les hommes, et responsables de votre troupeau. Comme l'a dit le prophète, sallallahu alayhi wa sallam, de même que sa parole, il n'y a pas un homme à qui Allah a confié une famille en lui accordant une épouse et des enfants auxquels il ne prodigue aucun juste conseil sans qu'il ne le privera au jour de la résurrection de sentir l'odeur du paradis. Les compagnons du messager d'Allah, sallallahu alayhi wa sallam, ne portaient pas leur regard sur les femmes. Et il existe, dans les livres de jurisprudence islamique, un chapitre relatif au droit de l'homme de regarder la femme qu'il désire épouser, dans lequel il y est évoqué, jusqu'à de nos jours, ce genre de récit, à savoir qu'il est permis à un homme de regarder la femme dont il souhaite demander la main, afin que chacun des deux futurs époux voit ce qui pourrait le motiver à se marier avec l'autre. Donc la sage législation islamique n'a autorisé de regarder la femme qu'à celui qui envisage de demander sa main et de l'épouser dans le but que celle-ci devienne son épouse. Qu'il regarde en elle ce qui pourrait lui plaire et le motiver à l'épouser dans la limite de ce que la législation religieuse lui permet de regarder tel que le visage et autres. Il en est ainsi. Et dans les deux recueils de récits authentiques d'Al-Bukhari et de Muslim, d'après la mère des croyants Aïcha radiallahu anha, que le prophète sallallahu alayhi wa sallam lui a dit « Je t'avais certes vu dans un rêve, recouverte d'un voile de soie. J'ai alors soulevé le voile de par-dessus ton visage. Il s'agissait alors de toi. » Ce qui nous intéresse dans ce récit est qu'Allah l'avait montré au prophète sallallahu alayhi wa sallam et lui avait permis de la voir et de la regarder. Et l'imam al-Bukhari a certes évoqué ce hadith dans son sahih, son recueil de récits prophétiques authentiques, s'argumentant ainsi avec dans ce sens. C'est-à-dire dans le fait qu'il est permis à celui qui désire demander une femme en mariage de regarder cette dernière. Et il a certes été rapporté d'autres récits du même ordre que le précédent, tels que celui de Jabr et celui d'Al-Mourir, ainsi que celui d'Abu Huraira, radiallahu anhum, et d'autres que le prophète sallallahu alayhi wa sallam autorisa de regarder la femme qui est demandée en mariage. Il dit ainsi à un de ses compagnons qui avait demandé la main d'une femme sans l'avoir vue, « L'as-tu regardée ?» Le compagnon répondit non. Le prophète lui dit alors, va donc la regarder, car il y a dans les yeux des femmes des Ansar, les Médinois qui accueillirent les Muslimouns qui s'étaient exilés de la Mecque, quelque chose de spécial. Il y a donc, dans ce récit, une preuve claire et incontestable sur le fait que la permission de regarder une femme étrangère n'est spécifique qu'à celui qui demande une femme en mariage et à nul autre que lui. Ainsi, que celui qui désire regarder les femmes des musulmanes, ainsi que leurs filles, aille donc faire un tour dans ces établissements scolaires et publics, que cela soit dans une démarche de demande en mariage ou non, qu'il aille là-bas, se rincer les yeux, puis qu'il repart, parfaitement. Il s'agit là de pratiques de la djahiliya, de l'époque anté-islamique. Les musulmanes n'agissent pas de cette façon, car le muslim agit dans le cadre de limites et de règles bien établies, de même que selon une législation émanant du Seigneur de l'univers. « ثم جعلناك على شريعة من الأمر فاتبعها ولا تتبع أهواء الذين لا يعلمون إنهم لا يغنوا عنك من الله شيئا وإن الظالمين بعضهم أولياء بعض والله ولي المتقين » Puis nous t'avons établi sur une voie claire et droite la législation islamique selon notre ordre. Suis-la donc et ne suis pas les passions de ceux qui ne savent pas. Ils ne te seront d'aucune utilité vis-à-vis d'Allah le jour de la résurrection. Et les injustes seront certes alliés les uns des autres, tandis qu'Allah est l'allié et le protecteur des gens pieux. Il en est ainsi, ô serviteurs d'Allah, car certes Allah, subhanahu wa ta'ala, a établi sa religion en détail dans son livre, le Coran, ainsi que dans la sunna de son messager, sallallahu alayhi wa sallam, y compris concernant la prière. Il a ainsi établi à son sujet ce qui suffit à tout le monde pour son accomplissement. Il a en effet été rapporté dans les Sahihain, les deux recueils de récits authentiques d'Al-Bukhari et de Muslim, que le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit « Si l'imam se distrait durant la prière en commun, que les gens qui prient derrière lui le lui signalent en frappant leurs mains pour les femmes ou en disant « Subhanallah » pour les hommes ». Pareillement à cela, d'après le récit de Sahl et d'Abu Huraira, radiallahu anhum, également dans les deux recueils de récits authentiques, que le prophète sallallahu alayhi wa sallam commanda aux femmes de frapper des mains dans cette situation. Il a ainsi dit, certes le fait de frapper les mains durant la prière pour signaler à l'imam une faute d'inattention qu'il aurait commise est propre aux femmes, mais quant aux hommes, qu'ils disent « Subhanallah ». Cela afin de protéger l'homme d'être tenté pendant sa prière par la femme qui aura parlé en entendant sa voix, à la suite de quoi son cœur deviendrait malade. Tout ceci dans le but de préserver les musulmans ainsi que leur honneur et leur lignée, et aussi pour préserver leur religion et leur sang parfaitement par Allah, car la législation islamique dans sa globalité est une miséricorde pour les gens. Et il a été établi d'après le prophète sallallahu alayhi wa sallam qui a dit: les meilleurs des rangs pendant la prière en commun pour les hommes sont les premiers et les pires sont les derniers, tandis que les meilleurs des rangs pour les femmes sont les derniers et les pires sont les premiers. Et le récit a été rapporté par Muslim d'après Abu Huraira, d'après le prophète sallallahu alayhi wa sallam. Ceci prouve que le fait de distinguer les femmes des hommes se faisait au temps du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Et on ne disposait pas à cette époque la chaise d'un homme aux côtés de celle d'une femme, de même qu'on ne constituait pas les rangs des hommes à proximité de ceux des femmes, de même qu'un homme ne priait aucunement à côté d'une femme, ni l'inverse, comme bon leur semblait. Et c'est auprès d'Allah qu'est le refuge. Mais le messager d'Allah, sallallahu alayhi wa sallam, avait plutôt établi une porte dans la mosquée spécialement pour les femmes. Il avait ainsi dit: pourquoi ne réservez-vous pas cette porte spécialement pour les femmes? Nafir dit à ce sujet: Ibn Umar ne rentra plus jamais par cette porte jusqu'à ce qu'il mourût. C'est-à-dire par la porte que le messager d'Allah, sallallahu alayhi wa sallam, avait réservée exclusivement pour les entrées et les sorties des femmes. Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam avait pour habitude, lorsqu'il avait fini sa prière, d'attendre un instant avant de se retourner pour faire face aux prières. Tout comme attendaient les compagnons avant de se lever pour sortir de la mosquée. Salama a dit à ce propos: jusqu'à ce que les femmes arrivent à leur appartement. Zuhri a dit: je ne vois pas d'autre raison qui aurait conduit le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam à agir de la sorte, si ce n'est pour éviter que les hommes et les femmes ne se mélangent en sortant de la mosquée. Et le récit est évoqué dans ce sens dans le recueil de récits authentiques d'Al-Bukhari. Donc par Allah, y a-t-il dans ce récit, ou dans ceux du même genre, une quelconque ambiguïté en faveur des gens dont les cœurs penchent vers l'égarement? Ceux qui disent faussement: mais les hommes et les femmes priaient tous ensemble à l'époque du prophète sallallahu alayhi wa sallam, et c'est auprès d'Allah qu'est le refuge. Et les femmes, quand elles priaient avec le messager d'Allah, sallallahu alayhi wa sallam, dans la mosquée, sortaient-elles des corbeaux, comme cela a été rapporté dans les deux recueils de récits authentiques d'Al-Bukhari et de Muslim? Elles étaient telles des corbeaux, recouvertes de la tête aux pieds. Et le corbeau est entièrement noir, comme cela est bien connu chez quiconque est doté de deux yeux. Et aucune partie de son corps n'est d'une autre couleur, parfaitement. Et il a aussi été rapporté, dans les deux recueils de récits authentiques, le récit d'Oumardiyy, qui a dit: le messager d'Allah, sallallahu alayhi wa sallam, a ordonné que les femmes, y compris celles qui étaient en période de menstrue, sortent avec les hommes le jour de l'Eid pour assister à la prière. Mais que celles qui avaient leur menstrue devaient rester à l'écart de la musallah des muslimoun, leur lieu de prière extérieur, afin qu'elles assistent néanmoins aux invocations des muslimoun. Et ceci est clairement expliqué à travers ce qui a été rapporté d'après le récit d'Ibn Abbas radiallahu anhu, que le prophète sallallahu alayhi wa sallam fit un prêche aux hommes un jour de l'Eid, puis qu'il alla ensuite auprès des femmes et leur fit un autre prêche. Donc si les femmes et les hommes étaient mélangés ensemble, il n'aurait pas été nécessaire de faire aux femmes un second sermon indépendant du premier fait aux hommes. Mais dès lors que celles-ci n'étaient pas en mesure d'entendre le premier prêche du fait de leur éloignement et leur séparation, comme l'a dit An-Nawawi et d'autres parmi les gens de science, il alla auprès d'elles et les exhorta de manière particulière et indépendamment des hommes. Car le prophète était tel un père pour les croyantes, comme il l'a lui-même dit, sallallahu alayhi wa sallam: j'ai envers vous le rang de père. Pareillement à cela, il a été établi dans les deux recueils du récit authentique d'Al-Bukhari et de Muslim que les femmes dirent: ô messager d'Allah, les hommes se sont accaparés tes paroles et tes discours. Réserve-nous donc un jour spécialement pour nous. Le messager d'Allah, sallallahu alayhi wa sallam, leur réserva ainsi un jour particulier et vint auprès d'elles. Il les conseilla et les exhorta et leur dit: nul parmi vous n'aura éduqué convenablement trois enfants sans que cela ne soit, au jour de la résurrection, un voile pour elles contre le feu de l'enfer. Une femme dit alors: et qu'en est-il pour deux? Il répondit: il en est de même pour deux, jusqu'à la fin du récit. Il en est ainsi. Il leur réserva donc un jour indépendant dans un endroit indépendant, sans la moindre mixité, contrairement aux pratiques des gens malades du cœur, aux pervers des rêves et à ces rapaces, ceux qui sont à l'origine de l'égarement des gens et qui sèment les troubles et le désordre. Oh que non, par Allah, ces pratiques sont étrangères à l'islam, parfaitement, car le prophète avait envers elles le rang de père, ô toi l'ignorant. Et tu te permets de dire que les cœurs de Ahl Sunnah, les gens fermement accrochés à la tradition prophétique, ne sont pas saints. De même que tu dis, celle-ci est comme ma sœur, et celle-là est comme ma mère, et telle autre est comme ma grand-mère. Est-ce donc là la voie et la méthodologie des compagnons du messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam, qu'Allah les agrée? Les femmes de leur époque ne se mélangeaient absolument pas avec les hommes, parfaitement. Le livre d'Allah et la Sunna regorgent de preuves authentiquement établies concernant l'interdiction formelle de la mixité entre les hommes et les femmes. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam dit un jour, prenez garde de vous mélanger aux femmes. Les gens dirent, ô messager d'Allah, et qu'en est-il pour le Hamou, Al-Nawawi et Al-Hafidh ibn Hajar, qu'Allah leur fasse miséricorde, on dit, le Hamou est le proche de l'époux, comme le frère, l'oncle ou le cousin. Il dit ainsi, prenez garde de vous mélanger aux femmes. Et le récit a été rapporté dans d'autres recueils, en dehors des Sahihayn. Faites attention d'entrer auprès des femmes. Ils dirent, vois-tu s'il s'agit du Hamou, ô messager d'Allah? Il répondit, le Hamou est la mort. Et les gens de science ont expliqué que le sens de cela est que le proche de l'époux symbolise la mort pour l'épouse, de sorte à ce que ce proche pourrait la conduire vers la mort, c'est-à-dire vers la lapidation. Et ils donnèrent d'autres explications, toutes tournant autour de ce sens. Donc ce qui nous intéresse ici est que le messager d'Allah, sallallahu alayhi wa sallam, a établi de ce fait, à savoir la mixité entre la femme et les proches de son époux, était une mort. Donc ô toi le miskin, le misérable, le messager d'Allah, sallallahu alayhi wa sallam, se soucie énormément pour toi. Bil mu'minina raoufur rahim, qui est compatissant et miséricordieux envers les croyants. Il se préoccupait grandement pour la préservation de ton honneur, de ta religion, ainsi que de ta lignée et ta descendance. Que ne s'introduise un étranger au milieu des femmes qui te sont proches, et pour d'autres choses encore. Mais quant à toi, tu désobéis au messager d'Allah. فَلْيَحْذَرِ الَّذِينَ يُخَالِفُونَ عَنْ أَمْرِهِ أَنْ تُصِيبَهُمْ فِتْنَةٌ أَوْ يُصِيبَهُمْ عَذَابٌ أَلِيمٌ. Que prennent donc garde ceux qui s'opposent à son commandement, qu'une épreuve ne les atteigne, ou que ne les atteigne un châtiment douloureux. Alhamdulillahi Rabbil Alameen, hamdan kathiran tayyiban mubarakan fi, amma ba'd. Toutes les louanges sont à Allah, Seigneur de l'univers, bonne, nombreuse et bénie, ceci étant dit. Ainsi, tout ce dont Allah a mis en garde les femmes au sujet des hommes qui leur sont étrangers, de même que ce dont il a mis en garde les hommes à propos des femmes qui leur sont étrangères, c'est malheureusement produit dans les pays des muslimoun. Et plus dramatique et tragique encore que cela, il y a ce que l'on entend aujourd'hui de la part de gens qui appellent au désordre et au trouble, et des prédicateurs qui appellent à l'égarement, comme par exemple faire participer les femmes dans la politique ou mettre en place une assemblée politique constituée de femmes. Alors qu'Abu Bakr a dit, par Allah, Allah ne m'a pas rendu une chose plus profitable qu'une certaine parole que j'ai entendue du messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam, qui m'a été profitable le jour du Jamel, le jour de la bataille du chameau. J'ai certes entendu le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam dire, ne réussira certainement pas une communauté qui aura placé une femme à sa tête et lui aura confié le pouvoir et l'autorité. Cela, si cet agissement, c'est-à-dire le fait de placer une femme pour diriger les gens, aurait été la résultante de l'appel de personnes dont les cœurs penchent vers l'égarement, que dire donc si cela provenait de pauvres prêcheurs imbéciles et ignorants? Le messager d'Allah, sallallahu alayhi wa sallam, a certes dit vrai, car celui-ci a en effet dit, l'avènement de l'heure de la fin des temps ne se produira pas jusqu'à ce que la science ne soit ôtée et que l'ignorance n'apparaisse de plus en plus et que le nombre de fitaines ne s'amplifie. L'ignorance se propagera et l'anarchie augmentera. Les gens dirent, et de quoi sera-t-il question par anarchie? Il répondit, il sera question de tuerie, de tuerie. Existe-t-il donc plus grande ignorance que quelqu'un qui précipite les gens vers le désordre et les troubles en les y appelant, voulant en cela rajouter du mal au mal déjà existant dans lequel nous sommes actuellement? Les malheurs qui nous atteignent aujourd'hui et les maux qui sont répandus aujourd'hui ne lui suffisent-ils donc pas? Il ne cesse de demander encore plus que ça? Ceci parce que nous sommes, soi-disant, toujours pas arrivés au niveau de la France en termes de développement et d'évolution. Voilà ce que dit ce genre de personne. Donc cette fitna fait partie de celle dont le messager d'Allah, sallallahu alayhi wa sallam, en avait informé. Mais il faut que vous sachiez, mes frères en Allah, serviteurs d'Allah, ô vous les musulmans, maintenant que nous avons pris connaissance et que nous avons été avertis de ces troubles, que ceci soit causé par des hommes ou des femmes ou des shayatines parmi les êtres humains ou les djinns, ces créatures invisibles qui sont préjudiciables à cette religion et aux gens qui s'y accrochent fermement, il nous est essentiel désormais de connaître les moyens qui permettent à l'homme de s'en sortir et de s'en prémunir. Et sachez que le musulman ne sortira de ses fitaines et ne s'en préservera qu'au moyen de ce que son Seigneur lui a indiqué ou de ce que son messager, sallallahu alayhi wa sallam, lui a recommandé. Et Allah, azza wa jalla, a certes informé que parmi les plus grands moyens de prémunition de tous les troubles et désordres, du moins de la majorité d'entre eux, il y a le fait de craindre Allah. وَمَنْ يَتَّقِ اللَّهِ يَجْعَلْ لَهُ مَخْرَجًا وَيَرْزُقُهُ مِنْ حَيْثُ لَا يَحْتَسِبْ وَمَنْ يَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ فَهُوَ حَسْبُهُ. Et quiconque craint Allah, il lui donnera une issue favorable à tous ses problèmes et lui accordera sa subsistance par des moyens sur lesquels il ne comptait même pas. Et quiconque place sa confiance en Allah, il, Allah, lui suffira. C'est en Allah que nous plaçons notre confiance. Et c'est en Allah que nous nous en remettons. Voilà comment on se réfugie auprès du Seigneur de l'univers. وَذَنُّونِ إِذْ ذَهَبَ مُغَاضِبًا فَظَنَّ أَنْ لَنْ يَقْدِرَ عَلَيْهِ فَنَادَ فِي الظُّلُمَاتِ أَنْ لَا إِلَهَ إِلَّا أَنْتَ سُبْحَانَكَ إِنِّي كُنْتُ مِنَ الظَّالِمِينَ فَاسْتَجَبْنَا لَهُ وَنَجَّيْنَاهُ مِنَ الْغَمِّ وَكَذَلِكَ نُنْجِي الْمُؤْمِنِينَ. Et ذَنُّون, le prophète Younes, Jonas, quand il partit irrité, il pensa que nous n'allions pas l'éprouver. Puis une fois coincé dans le ventre de la baleine, il s'exclama et implora à haute voix dans les ténèbres de l'estomac de la baleine. « La ilaha illa anta, nulle divinité digne d'être adorée à part toi, gloire à toi, j'ai vraiment été du nombre des injustes. » Nous répondîmes alors à son appel de détresse et le sauvâmes de son angoisse, et c'est ainsi que nous sauvons les croyants. Par Allah, il s'agit bel et bien d'angoisse pour les musulmans, car on porte atteinte à leur honneur à cause de ces prêcheurs de l'égarement et de ces gens qui appellent au désordre et à la confusion, à cause de ces gens du mal parmi les musulmans, au nom des musulmans, parfaitement. Et aussi, parmi les moyens de sortir de ces fitaines et de cette affliction, il y a le fait d'abonder dans l'accomplissement des prières, ainsi que de donner des aumônes, de même que de s'accrocher au livre d'Allah, ainsi qu'à la sunnah, la tradition prophétique. Allah, subhanahu wa ta'ala, a en effet dit, وَدَّ كَثِيرٌ مِنْ أَهْلِ الْكِتَابِ لَوْ يَرُدُّونَكُمْ مِنْ بَعْدِ إِيمَانِكُمْ كُفَّارًا. Nombreux parmi les gens du livre, les juifs et les chrétiens, aimeraient pouvoir vous rendre mécréants après que vous ayez cru. Quelle est donc la raison qui les pousse à cela ? حسدا من عند انفسهم من بعد ما تبين لهم الحق فاعفوا واصفحوا حتى ياتي الله بامره ان الله على كل شيء قدير واقيموا الصلاه واتوا الزكاه وما تقدموا لانفسكم من خير تجدوه عند الله ان الله بما تعملون بصير. Par jalousie de leur part, après que la vérité leur ait été manifestée, n'en tenez pas compte et laissez passer jusqu'à ce qu'Allah fasse venir son commandement. Certes, Allah est capable de toutes choses. Et accomplissez la salah, la prière, et acquittez-vous de la zakah, l'aumône obligatoire, et tout ce que vous avancez comme bien pour vous-même, vous le retrouvez très certainement auprès d'Allah. Certes, Allah voit parfaitement ce que vous faites. Allah a ainsi exposé dans son livre, plein de sagesse, le Coran, que l'accomplissement de la prière, qu'elle soit obligatoire ou facultative, fait partie des causes de sortie et de prémunition des troubles et des problèmes après la crainte d'Allah et le fait de placer sa confiance en lui, de même que de rechercher refuge auprès de lui. Parfaitement. Et le prophète, sallallahu alayhi wa sallam, a également dit, comme cela fut rapporté dans le récit d'Umm Salama, après qu'il se réveilla une nuit et se leva, « La ilaha illallah, nulle divinité digne d'être adorée excepté Allah. Que de trésors Allah a descendu cette nuit, et que de fitaines il a descendu. Réveillez celles qui sont dans leur appartement, les épouses, afin qu'elles prient. Car dans cette dunya, cette vie d'ici-bas, celles-ci sont habillées, tandis qu'au jour du jugement dernier, elles seront entièrement nues. » Le messager d'Allah, sallallahu alayhi wa sallam, exposa ainsi que la prière, lors du désordre et des troubles, et l'adoration de manière générale, de même que le fait de se réfugier auprès d'Allah, sont des échappatoires aux fitaines. C'est ainsi que le prophète, sallallahu alayhi wa sallam, a dit, et il a été évoqué dans le récit de Amr ibn Abi Amr, d'après Asim ibn Umar al-Qahtani, d'après Mahmoud ibn Labid, d'après le prophète sallallahu alayhi wa sallam, qui a dit deux choses que le croyant n'aime pas alors qu'elles sont un bien pour lui. Il n'aime pas la mort alors que la mort est meilleure pour lui que la fitna. Et il n'aime pas le manque d'argent et de biens alors que le fait de manquer d'argent et de biens sera meilleur pour lui lors de la reddition des comptes le jour du jugement dernier. Et il a également dit, sallallahu alayhi wa alayhi wa sallam, viendra un temps où les gens violeront leur pacte, et où ils ne tiendront plus leurs promesses, ni ne garderont les dépôts. Et ils seront comme ça. Et le prophète, sallallahu alayhi wa sallam, entrecroisa les doigts de ses mains. Les gens dirent, que nous conseilles-tu à ce moment au messager d'Allah? Il répondit, concentrez-vous sur votre propre personne, ainsi que vos proches, et délaissez les affaires d'ordre général. Et pareillement à cela, il y a le fait de se taire et de ne pas trop parler, de même que de s'accrocher aux gens de science connus pour leurs bons conseils, ainsi que de faire preuve de patience et d'endurer sur la vérité et de conseiller les gens pour Allah tabaraka wa ta'ala. Toutes ces choses sont des moyens de sortir des fitaines et de se préserver de tomber dedans parfaitement par Allah. Aussi, il y a le fait de délaisser et de s'éloigner des mauvaises compagnies. En effet, il a été rapporté dans les deux recueils du récit authentique d'Al-Bukhari et de Muslim, d'après le récit de Abu Sa'id al-Khudri, radiallahu anhu, que le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit, il a existé avant vous un homme qui avait tué 99 personnes. Il chercha ensuite à rencontrer une personne de science. On lui indiqua alors un moine qu'il alla voir. Il lui dit ainsi, après lui avoir exposé son cas, ai-je droit à une rémission de mes péchés pour ces meurtres? Le moine lui répondit, non. L'homme le tua ainsi, et compléta le nombre de ses victimes à 100. Puis il chercha à rencontrer une autre personne de science. On lui indiqua alors un savant, qu'il alla voir. Puis il lui dit ainsi, ai-je droit à une rémission? Le savant lui répondit, oui, et rien ne peut empêcher que ton repentir ne soit accepté. Pars à tel et tel endroit, là-bas, tu y trouveras des gens qui adorent Allah, adore-le avec eux. Qu'Allah fasse donc miséricorde à ce savant pour le bon conseil qu'il prodigua à cet homme en l'informant qu'il ne sortira et ne se sauvera de ses fitaines, de ses meurtres en série, ainsi que de ses malheurs, qu'une fois qu'il aura quitté cette région et ces endroits qui regorgeaient de fauteurs de troubles et de mauvaises personnes et fréquentations. Exactement, par Allah. Et certes les gens de la caverne, dont l'histoire est racontée dans la sourate Al-Kahf, Allah nous informa à leur sujet que lorsqu'ils voulurent se sauver des fitaines et des pratiques polythéistes de leur peuple, ces derniers étaient allés se réfugier dans la caverne. Là-bas, Allah les fit prendre d'un long sommeil, qui dura de très longues années. Et durant toute cette période, il les protégea des éblouissements du soleil, de sorte à ce qu'ils se trouvaient toujours dans l'ombre, jour et nuit. وترى الشمس إذا طلعت تزاوروا عن كهفهم ذات اليمين وإذا غربت تقرضهم ذات الشمال وهم في فجوة منه ذلك من آيات الله. Et tu aurais vu le soleil quand il se levait s'écarter de leur caverne vers la droite, et quand il se couchait passer à leur gauche pour ne pas les éblouir. Alors qu'ils étaient largement exposés dans la caverne, ceci était en réalité un miracle de la part d'Allah. De même que leur chien, ce chien dont Allah fit aussi les élages, وَكَلْبُهُمْ بَعْسِتُنْ ذِرَاعَيْهِ بِالْوَسِيدِ, et leur chien, qui lui aussi dormait, était assis à l'entrée de la caverne, les pattes étendues, comme s'il était réveillé. Car Allah a dit au sujet de ces gens, فِتْيَةٌ آمَنُوا بِرَبِّهِمْ وَزِدْنَاهُمْ هُدَى, il s'agissait de jeunes gens qui croyaient en leur Seigneur, et que nous avons encore plus guidés sur le droit chemin. Cela parce qu'ils s'étaient éloignés de la fitna. هؤلاء قومنا اتخذوا من دونه آلهة لولا يأتون عليهم بسلطان بين فمن أظلم ممن افترى على الله كذبا وإذ اعتزلتموهم وما يعبدون إلا الله فأووا إلى الكهف ينشر لكم ربكم من رحمته ويهيئ لكم من أمركم مرفقا. Les gens de notre peuple ont adopté en dehors de lui, Allah, des divinités. Qu'ils apportent donc une preuve évidente, légiférant leur acte. Quel pire injuste donc que celui qui invente un mensonge à l'encontre d'Allah. Et lorsque vous vous serez séparés d'eux et de ce qu'ils adorent en dehors d'Allah, réfugiez-vous dans la caverne. Votre Seigneur répandra sur vous de sa miséricorde et il disposera pour vous un adoucissement à votre sort. وأعتزلكم وما تعبدون من دون الله وأدعو ربي. Je me sépare de vous ainsi que de ce que vous invoquez en dehors d'Allah et j'invoquerai mon Seigneur. Donc tout cela prouve que le plus grand moyen de se préserver des fitaines et des troubles est le fait de s'écarter et de s'éloigner des gens mauvais, parmi ceux qui ont de la mécréance et des gens de l'innovation et des passions, ainsi que de ceux qui s'égarent du droit chemin et de ceux qui leur ressemblent du même genre, comme vous l'aurez compris. Et dans les deux recueils de récits authentiques d'Al-Bukhari et de Muslim, d'après le récit de Hudhayfa, radiallahu anhu, qui a dit « Les gens questionnaient le prophète au sujet du bien ». Tandis que moi, je le questionnais au sujet du mal, de peur qu'il ne m'atteigne. Je lui ai ainsi dit, ô messager d'Allah, nous étions à l'époque de la Jahiliya, l'époque pré-islamique, dans un mal. Puis Allah nous est venu avec ce bien. Donc est-ce qu'après ce bien viendra un autre mal? Il répondit oui. Je dis ensuite, et est-ce qu'après ce mal, il viendra un autre bien? Il répondit oui, mais avant lui, il y aura une fumée. Il s'agira de prêcheurs et de prédicateurs qui seront tels des portiers postés aux portes de la géhenne de l'enfer, qui appelleront les gens à y rentrer. Puis il continua son récit, jusqu'à ce qu'ils disent, à ce moment, écartez-vous et éloignez-vous de tous ces groupes, même s'il faudra pour cela que tu mordes aux racines d'un arbre. Donc que le musulman qui souhaite préserver sa foi en temps de fitaine s'écarte des gens qui suivent leur passion ainsi que de ceux dont les cœurs penchent vers l'égarement, qu'ils se retirent aussi de cette dunya et s'éloignent des gens qui sont attachés et prisonniers d'elle, car c'est une fitna, une tentation, et qu'ils se concentrent plutôt sur sa propre personne, de même qu'ils retiennent sa langue et qu'ils prennent du recul vis-à-vis de cette vie mondaine éphémère, hormis ce dont il aura besoin pour se réformer spirituellement et physiquement. Voilà par le biais de quoi Allah le sauvera, subhanahu wa ta'ala. Retiens ta langue, qu'elle ne te perde, comme dans le récit, lorsqu'un compagnon dit, comment m'en protéger? Ô messager d'Allah, il dit, retiens ta langue, qu'elle ne te perde, reste chez toi et pleure pour tes péchés. Par Allah, il y a assurément, dans le livre d'Allah et la sunna de son messager, ainsi que dans les livres des savants qui conseillent sincèrement les gens, ce qu'il y a de meilleur comme accompagnement et compagnon, bien meilleur que les mauvaises fréquentations et les gens du mal. بعضهم على بعض يتساءلون قال قائل منهم إني كان لي قرين يقول أئنك لمن المصدقين أئذا متنا وكنا ترابا وعظاما أئنا لمدينون قال هل أنتم مطلعون فاطلع فرآه في سواء الجحيم قال تالله إن كدت لتردين ولولا نعمة ربي لكنت من المحضرين في لسان se tourneront vers les autres, les gens du paradis, s'interrogeant mutuellement. L'un d'entre eux dira, j'avais jadis un compagnon qui me disait, es-tu vraiment de ceux qui croient? Est-ce que vraiment, lorsque nous mourrons, puis deviendrons poussière et ossements, nous aurons à rendre des comptes? Il leur sera dit, voudriez-vous les voir, les gens de l'enfer, de haut? Il regardera alors et le verra, son ancien ami, en plein dans la fournaise. Puis il lui dira, par Allah, tu as bien failli causer ma perte. Si ce n'était le bienfait de mon Seigneur, j'aurais certainement été du nombre des châtiés en enfer. وَيَوْمَ يَعَضُّ الظَّالِمُ عَلَى يَدَيْهِ يَقُولُ يَا لَيْتَنِي اتَّخَذْتُ مَعَ الرَّسُولِ سَبِيلًا يَا وَيْلَتَا لَيْتَنِي لَمْ أَتَّخِذْ فُلَانًا خَلِيلًا لَقَدْ أَضَلَّنِي عَنِ الذِّكْرِ بَعْدَ إِذْ جَاءَنِي. Et le jour où l'injuste se mordra les deux mains et dira, malheur à moi, si seulement j'avais suivi le chemin du messager. Hélas pour moi, si seulement je n'avais pas pris un tel pour ami, il m'avait certes éloigné et égaré du rappel lorsque celui-ci m'était parvenu. Concentre donc tes efforts sur ta propre personne et sur ce qui est à ton avantage, quand bien même les hypocrites et autres jaloux s'opposeraient à toi, car Allah a dit « Ya ayyuhan nabiyyu, ittaqillah, wa la tuti'il kafirina wal munafiqin, inna Allah kana aliman hakima, wa tabi' ma yuha ilayka min rabbik, inna Allah kana bima ta'maluna khabira, wa tawakkal ala Allah, wa kafa billahi wakila. » Ô toi le prophète, crains Allah et n'obéis pas aux mécréants et aux hypocrites, certes Allah est omniscient et sage, et suis ce qui t'a été révélé de la part de ton Seigneur, certes Allah est parfaitement connaisseur de ce que vous faites, et place ta confiance en Allah, Allah te suffit comme garant et protecteur. Walhamdulillahi Rabbil Alameen.